Le papa de Peppa et George a l'air bien triste aujourd'hui. Mais que se passe-t-il ? Oh les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais oui maman. Hélas, ça la concerne. Tout va bien ? Eh ben vous l'avez sans doute remarqué, mais votre maman ne se sent pas très bien en ce moment. Son test est positif. C'est pour ça qu'elle a vomi partout ? Ta mère, tu sais... Entre autres, on ne vous dira jamais assez que vous devez vous protéger. Bonjour, monsieur Pig. Bonjour, mon père. Merci d'être venu aussi vite. Où est votre femme ? Dans la chambre, elle se prépare. Elle se prépare à quoi ? À faire le grand saut. Tout est prêt de votre côté ? Oui. J'ai ma croix, mon livre sacré, et j'ai regardé Very Bad Trip en boucle tout le week-end. Bonjour, monsieur le curé. Vous avez fait vite. Tu vas bien, maman ? Mais oui, pourquoi ? Tu ne vas pas mourir, hein, maman ? Mourir ? Mais non, quelle drôle d'idée ! Les enfants, votre maman est enceinte ! Et avec votre papa, nous avons décidé de renouveler nos vœux de mariage. Sans oublier la lune de miel à Las Vegas. Mais papa a dit qu'il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Et oui, étant donné qu'il va bientôt y avoir un nouveau membre dans la famille, on va procéder à quelques petits changements. Fini l'argent de poche. Vous allez devoir vous bouger le fiac et aller bosser comme tout le monde. Au charbon, à l'ancienne. Ça va être chaud financièrement. Du coup, plus de cadeaux pour les anniversaires. Sauf pour le bébé. Vous oubliez la moula que vous allez claquer aux machines à sous. Tout à fait. Et vous allez devoir laisser votre chambre au futur bébé. Mais où allons-nous dormir ? Dans le grenier. Avec les grosses araignées ? Moi, elles sont pas si grosses que ça. Mais c'est pas juste. Oui, on était là avant. Ne discutez pas. Allez débarrasser vos affaires et filez dans votre nouvelle chambre. George, tu dors ? Pas trop, j'ai du mal à respirer. Eh oh, y en a qui essayent de dormir.